Allô? Oui. Ferry. Oui. Oza wapi? Na Libanda. Osa na Libanda kuna ero na Sambula. Na New Jersey. Azunga kuna ozela uzunga. Bolingo langa etoli loko la journal a prima Mondo. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Son Excellence Guillaume Soro. Ferry go la chante. Vas-y. Papi kake. Na luke luke ona miso bolingo na monyote na swata kolemai na patrouille n'éclairait peut-être quoi na selo par hasard non non l'autorité soleil papa ocho me mwana mwibara ya mama Antoinette papi kake na luke luke ona miso bolingo na monyote na swata kolemai na patrouille n'éclairait peut-être quoi na selo par hasard, non, non. Kovo ma solo à les bosses silencieux. Les mains sur la tête et l'air la moussier. Par terre comme un lag, yo kengana, qui se boli moué. Tu m'as laissé comme un tout petit poussin. Omi les bêtes perviennana, comme un bain à souci, y bekena, langa. Guilouen baya metiol. Pas tout soin. Ma fanga de liamo, la mida de sac na kangayo, simple rimeri a pamba, retourne nga le dos, te bakati et ma faiblesse, peu de ton chaque instant détresse, te panana soa qui adresse, talana comme mystère. Mohamed Kake, Patrick Vilo Kake, le maboubi di Jimmy Katalai. Kake onokoli trope anganzo tue, Eric Endala. Na vos exposé vous va l'amour en plein air. Les spéciales Jean-Dominique Okemba. Nazana ngai no samoe. Fote ngai te ala mulupa bikake. On aventure Chris Engobo, Colonel Jensen. Nasengwe parlinga. Coco Claudia Sassou. Nazana sauve. Nazana ngai no samoe. Fote ngai te ala mulupa bikake. General Dabira. Ya mama Christine. Ki Noel Mbuya ya Maile. Boss movie son. Tango na mona ki pasi. Ya kwale mate moto bolingo nya boke temwe. Na riska na pana babute ya bakulune. Na meni bino te batu bosala ki komanda sup. Na tabli la trisa ki se kuver mo pa el vera langa. Medo shaumba kle boa. Edo tsontsa le superviseur. Bosong iselanga papi. Boi bana bino porte moneo. Bo retro se telenga foudre langa. Boi bana bino grimoire. Sister, you put a big kill. Na kufeli no kote, baba kulinga ndembo lingo na victor. Na iko mabuta mobila na komiki sata kagale la waba kino afungoli na miso. Receber kidi baso mona tene baso iba lola mwe. Babe singa dedo apre mabato shone na bolingo na victor. Baso ngisela nga papi. Bo iba na bino korte moneo. Bo retro sedele nga futre na nga. Boy banabino grimoire. Arnold Nematiki, Jean-Jacques Eloni. Na chire, chire. Kena kobalate, soki yo songite. Nende anorama, monsapina nga emesano. Me pokedes, ma bela ibisi ngai. Amsterdam yezo yo burko solo libongo. Papi kake. Isamina, Teddy. L'ingénieur Baudelaire Guyena. Tala makambo asalinga, tala mwane, tala mwane. Nazala kananga mwesha na teka makandenge moko na nuna matembele na tulela nanga. Seyo ya COVID-19 na katia mon coeur. Papa sitting Madrid, Dark la japonaise. Albert Mavungo. Mustafa Sabag, le roi Merchesedek. Bozongi seranga papi. Boi banabino porte moneo. Bo retro sedele nga foudre nanga. Patrick Moussamba. Boi banabino grimoire. Richard Kambala. et Fabrice Mola et Sorgan Seka. Junior Aziz, Mimina Kangou de Paris 16e, Nelly Mwalumba, Fondation Coup de Pose, JP Mindia Big Manager, Is Pongo. Bosongi Salanga Papi, Boy Banabino, Porte Moneo, Pour rétrocéder les mafoudres Nanga, Boy Banabino, Grimoire. Tess, Maman et Mustapha Junior. Musuni afreshe sala kanso kelengi boye Boti kanga na buku tati na mukuo Ate kanga mina minwe talibi noteo Lita matevi mbeza ya ngai Lelo neta kataneza ya ngai Mama itano ngai, mama sasano ngai Mama itano ngai, nasana ngai amubeswe Pakoto ebelite, situ na lopele Mama itano ngai, nasana ngai amubeswe Musuni apreche sala kanso kelengi boye Boti kangana nyamu nyamu tina mokuwe Ate kanga mina mine tali imoteo Lita mate vimbeza ya ngai Giselle Sui Lole mote kataniza ya ngai Mama italo ngai Mama sasano ngai Mama italo ngai Nazana ngai ya mubeswe Kutu ifilite Sirtu nalopele Mama italo ngai Nazana ngai ya mubeswe Ijanson Wanted Pro Bozong is telanga papi Boy banabino porte moneo Bo retrocedere na foudre nana Bobo banabino grimoire Gilda Ibu la femme africaine Olivier Chimanga Cheni Yasmine Sabak Lubeka Dima la valeur ajoutée Edima Kutima Auberge Joke Lomboto Kokulaka Freddy Mokonzi à Irlande. Ita benzo ke salaka elengi boye Oti kangana nyamu nyamu tiye kosila Ate kangami na gorge dalipi noteo Silia egle jona za yangai Chirikola ya Kili Desire Toti André Kazai José Kongolo Arnaud Technologie Willy Tembe la unité centrale Mathieu Bicherera Jojo Abiba Kadhafi Louindula Patrick Mumbata crédible Ya Dada Anclarisse Gojo Zala Kaka Kawaye Michel Nabi Louis Zala Kaka Kawaye Nadine Kassafara Zala Kaka Kawaye Chabani rekora salaka elengi boye Boti kanga na buku tati na mokuwa Ate kanga mina lineta libi noteo Lita mate vimeza ya ngai Mama italo ngai Mama sasalo ngai Mama italo ngai Nazara ngai ya mubeswe Papi kabali krankeriku Papi masita masitole Rigo ngobi la Air Force One Max Chiboy Et bon, les solo à boîte noire 2012. Donc, en avant, l'icolo, l'icolo, l'icolo. Annie Dembo, Diego Musique.